Radio Cayenne, la radio qui sort de la NAS. Le petit caillou de rêve, c'est l'aventure trop brève. C'est un souvenir de rien qu'on garde au creux de sa main. Le petit caillou qui brille, ramassé comme une bille, au détour d'un caniveau, comme un cœur de renouveau. Le petit caillou en poche peut devenir une roche, peut venir vous écraser après qu'on l'ait bien chauffé. La petite pierre blanche peut tomber en avalanche et vous traverser le cœur bien avant qu'on ait pris peur. Le petit caillou des rêves, c'est l'orage qui s'achève avant d'avoir commencé, c'est le sourire inversé. La petite pierre noire, c'est l'histoire sans histoire. L'amour qui ne sera pas, c'est la danse sans un pas. Il arrive que la pierre, souvenir imaginaire, vienne vous frapper au front, y laissant un trou bien rond. Une blessure en étoile que parfois le vent dévoile, mais qu'on n'osera pas, non, pas appeler par son nom. Le petit caillou des rêves, petit galet sur la grève, d'un océan sans bateau, d'un voyage fait trop tôt. La petite pierre ronde, on ne veut pour rien au monde la remettre au caniveau, on la garde bien au chaud. Ah, vous êtes toujours sur Radio Cayenne. Radio Cayenne, la radio qui aime Cayenne. Je sais pas, pourquoi pas. Alors là, on voulait vous passer un truc. Waouh, trop bien. Il y a une journaliste qui s'appelle Aude, qui fait des vidéos sur l'internet, de type sympa, quoi, qui explique des trucs du journalisme et dire... oh là là, oui, bah vous savez quoi, je sais pas expliquer les trucs. Donc bref, elle a une émission qui s'appelle What the Fake. Du coup, elle fait un peu du débunkage et des trucs comme ça, quoi. Et notamment là, elle a sorti une qui parle de Braise Info, ce journal du web qu'on le connaît tous peut-être un peu. Pour des raisons qui sont que c'est pas un super journal, qui raconte beaucoup de la merde. Et du coup, voilà, bref, on va vous passer ça, et on va peut-être mettre pause à des petits moments pour expliquer des trucs qu'on comprend pas forcément si on n'a pas l'image. Du coup, c'est parti, dans 1, 2, 3 secondes, hop. Moi j'adore la presse locale, prendre des nouvelles de mon petit patelin, apprendre que le club vosgien organise une choucroute dansante pour fêter les vendanges. C'est le blaireau de la choucroute. Que René, le voisin, cherche toujours l'âme sœur. C'est bien joli tout ça, mais hé, avec internet, les réseaux sociaux, les GAFA, la montée des eaux, Donald Trump, il a fallu s'adapter. Maintenant on s'informe localement sur le web, ok? Le champion de l'info locale, le Jean-Pierre Pernaut du net, c'est Braise Info. Braise Info, c'est des centaines de milliers de visiteurs chaque mois sur le site, plus de 23 000 likes sur Facebook et des infos pêchées tout droit de Bretagne. Il y a un truc étonnant avec Braise Info, c'est qu'il titre pas trop sur la belote locale. Il se fiche pas mal du festival de la BD de Cholet. Par contre, en tant que bon petit reporter localier, ils aiment bien titrer sur ce genre de choses. Un migrant éviscère et mange un chat. Des membres d'ONG le soutiennent. Bon, c'est pas vraiment breton comme actu. En fait, ça se passe à 3000 km de là, sur une petite île grecque qui s'appelle Chios. Pour être reporter à Braise Info, il faut avoir un don. C'est celui de voir des migrants et de la délinquance partout. Quitte à chercher les infos très très longtemps et très très loin. Toute la rédac est équipée de lunettes à bande ethnique. bande ethnique, c'est une de leurs expressions favorites. Bande ethnique. Chez Braise Info, il n'y a pas de voleurs, il y a des racailles. Il n'y a pas de quartier qui galère niveau sécurité, il y a du Far West. Le problème, c'est que c'est le Far West jusque dans leur traitement de l'info. Parce qu'en fait, quand on regarde un peu, c'est le boxon, quoi. Il y a beaucoup d'articles qui sont super flous et c'est hyper difficile de vérifier l'info. Braise Info, c'est le seul média que je connaisse qui est capable de gratter, par exemple, 9 paragraphes d'affilée sur une affaire sans y mettre un nom, une date et qu'avec des témoignages anonymes. La nuit aux urgences de Nantes, entre immigration, vol et agression. Alors, il est question, entre autres, d'une bagarre entre migrants au mois d'août, pour le jour, on ne sait pas, d'un jeune érythréen qui s'est présenté aux urgences avec une oreille à moitié coupée. On a une jeune femme avec un poignet fracturé qui s'est fait courser par 3 Africains. Un étudiant de 25 ans avec le visage en sang qui s'est fait arrêter par une bande de Noirs. Un homme d'une petite quarantaine d'années qui a été agressé par une bande ethnique africaine. Encore des extra-européens. Ah oui, et tout ça donc, ce sont des cas désormais classiques aux urgences du CHU Hôtel Dieu de Nantes. Il y a aussi les deux agresseurs de l'érythréen, eux aussi blessés, qui ont été très agressifs, puisque les deux Africains entraîneront une intervention de la sécurité de l'hôpital, soit la mobilisation de plusieurs hommes armés, rien que pour eux. Gros Far West ! Alors on sait pas quel jour c'était, on n'a pas de date, on sait pas qui parle, on n'a aucun officiel du CHU, pas de nom d'un chef de service, quoi que ce soit, donc c'est un peu léger. Et du coup là je mets juste pause pour expliquer que du coup elle appelle au téléphone le service de communication du CHU d'Hôtel Dieu. Oui, bonjour, je vous appelle en fait par rapport à un article de Braise Info, oui. Daté du 13 septembre 2018. Il est question de patients agressés par des bandes ethniques, de migrants d'Afrique assez agressifs, d'ailleurs qui ont mobilisé plusieurs hommes armés à l'intérieur de l'hôpital, la sécurité de l'hôpital. On n'a pas le droit de communiquer sur des cas de patients qui arriveraient aux urgences, quel que soit leur état de santé. Bah, comment il a fait ce journaliste alors? J'en sais absolument rien. Peut-être qu'il est passé par les syndicats? Écoutez, je sais pas, j'en sais absolument rien. Ça, c'est une enquête pour What's the Fake. Il a fait une petite séquence voyage en mode déguisé en cow-boy dans la ville. Et là, elle arrive dans les bureaux des différents syndicats du CHU. Et du coup, elle commence par la CGT. Je vais vous montrer un petit article sur vous. Enfin, sur le CHU. La nuit aux urgences de Nantes, entre immigration, vol et agression. Vous l'avez lu ? On a pris connaissance, oui. Il est question de bagarre entre migrants, ça c'est les petits titres. Un étudiant de 25 ans qui s'est fait arrêter par une bande de Noirs. Un homme d'une petite quarantaine d'années qui a été agressé par une bande ethnique africaine. Et voilà donc des cas désormais classiques aux urgences du CHU de l'Hôtel Dieu. Comment je peux vérifier toutes ces histoires ? On n'a pas d'éléments suffisants pour vous dire ça s'est fait ou ça s'est pas fait. Est-ce que vous avez été contacté par rapport à ça, cet article ? Non. Cet article de Braise Info ne précise pas de date précise. En plus, qui l'a écrit, c'est pour nous assez flou, quoi. Les deux Africains entraîneront une intervention de la sécurité de l'hôpital, plusieurs hommes armés, rien que pour eux. Est-ce qu'il y a des hommes armés à l'hôpital ? Le service sûreté n'est pas armé. Voici des cas désormais classiques aux urgences du CHU Hôtel Dieu. Classique, non. Ça reste quand même exceptionnel. Il y a des migrants qui peuvent poser problème quand même de temps en temps. Il y a des migrants qui peuvent poser problème, mais pas plus que l'ensemble de la population à Nantes. La plupart du temps, ils sont accompagnés par des associations. Ils se présentent aux urgences et ils sont plutôt corrects. Du coup, là, elle arrive dans le bureau de Force ouvrière. Bonjour. Les deux Africains ont entraîné une intervention de la sécurité de l'hôpital, plusieurs hommes armés, rien que pour eux. Ah non, nos collègues sont pas armés. Mais est-ce qu'ils sont au moins intervenus ? Les collègues qu'on a rencontrés dans la journée suite à votre appel téléphonique, ceux qu'on a vus n'étaient pas au courant de tout ça. Il est possible qu'on reçoive des alertes, même CHSCT, de la direction quand il y a des agressions de ce type. Là, on n'en a pas eu en l'occurrence. Je ne vois pas comment ils peuvent sortir ce genre d'articles. On a une équipe de sûreté sécurité qui intervient sans armes, qui intervient à main nue. Au pire des cas, s'il y a des débordements, on peut faire intervenir les forces de l'ordre qui, elles, oui, sont armées et peuvent intervenir. Mais à ma connaissance, il n'y a pas eu ce genre d'intervention au mois d'août au sein de la structure du CHU Nord. Vous en auriez entendu parler ? On en aurait forcément entendu parler. En tant qu'organisation syndicale, on n'a pas intérêt de toute façon à balancer ce genre de ragots. Je ne sais pas sur quoi ils s'appuient. Hein. Là, elle est, du coup, elle a lâché les. Elle est sortie des bureaux des syndicats et elle se balade sur le parking où il y a des ambulanciers ou des personnels, je ne sais pas exactement qui ce sont, qui sont en pause, j'imagine, et qui va du coup les interroger. Bonjour. Bonjour. Je vous prends deux minutes. Est-ce que vous connaissez Braise Info ? Non. Vous étiez là en août ? Oui. Ah, alors. Un jeune érythréen qui s'est présenté aux urgences avec une oreille à moitié coupée. Ses agresseurs, qui se sont également présentés, ont entraîné une intervention de la sécurité de l'hôpital, plusieurs hommes armés rien que pour eux. Elles sortent d'où, ces informations ? Ah ben je sais pas, en fait l'article ne le dit pas. Pas de source, y a rien quoi en fait. Après, il y a plus en plus de migrations à Nantes, donc on voit plus en plus de gens qui sont demandeurs d'asile, qui vont venir aux urgences, mais qui apportent pas forcément de problèmes de violence ou d'agressivité envers nous, loin de là. Le cas le plus classique de personnes agressives, on va dire, c'est... C'est les gens plus ou moins de couleur, ou peut, si on parle vraiment juste en termes de... Des problèmes d'alcool. C'est plutôt les Bretons, ça. Alors ça peut être les Bretons, ça peut être tous les gens alcoolisés, peu importe leur couleur de peau. Et je pense qu'il y a du vrai dedans, mais il y a pas mal de choses qui ont été... extrapolées, déformées. Alors là, on n'entend pas. Elle prend une page du site de Braise Info qui s'appelle « Qui sommes-nous ?» et elle surligne, enfin elle met en valeur une phrase qui est « Notre volonté d'écrire les faits, rien que les faits. » Et là, ce qui est mis en... Là, il y a... Le nom de Yann Valéry, rédacteur en chef, qui est mis en avant, et si je ne me trompe pas, elle l'appelle dans les secondes qui suivent. Oui, l'article que vous avez fait, La nuit aux urgences de Nantes entre immigration, vol et agression, il n'est pas signé, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de source, les témoignages sont anonymes, il n'y a pas de date, enfin c'est quand même super flou. A priori, le CHU n'aurait pas été contacté. Nos sources, c'est une interne aux urgences et il y a bien eu un appel de fait au CHU. Le CHU de Nantes n'a pas été sollicité pour la rédaction de cet article. Et le journaliste, c'est qui ? Parce que c'est pas signé. Sur ce que vous dites sur les noms d'articles qui sont pas forcément signés, etc., ça, on est en pleine refonte là-dessus. Dans les semaines à venir, là, chaque article va être signé. Tous les gens que j'ai entendus et rencontrés, moi, au CHU de Nantes, il n'y en a pas un qui me dit qu'effectivement, il y a plus de problèmes avec les migrants que les autres. C'est-à-dire qu'au contraire, ils ont l'air d'être assez discrets, voilà. Je vais vous parler de ce que je connais, par exemple, sur le CHU de Rennes. Il y a une augmentation quand même claire des incidents qui sont liés à des bandes. Alors, bandes ethniques, ça ne veut tout dire et rien dire, mais il y a plus de soupe qu'avant, dans les, en tout cas à Rennes. Et je suppose qu'à Nantes, si mon collègue a eu ça, c'est que c'est un peu la même chose. Bah écoutez, c'est pas ce qui me revient. Est-ce que je peux parler avec le rédacteur de l'article ? Je vais voir avec le gars qui a écrit. Et je pourrais parler à la source au moins, même en gardant son anonymat. Juste parce que, voilà, là c'est difficilement vérifiable en l'état. Je sais que justement, si elle voulait rester anonyme, c'est qu'elle avait peur pour son poste. Mais moi, je le garantis, l'anonymat, c'est pas le problème. Hein. Ouais, bah, je vais demander. On est d'accord que, en fait, quoi qu'il en soit, écrire tout un article à partir du témoignage d'une seule personne, en plus anonyme, c'est pas censé être un papier très très solide. C'est peut-être un peu léger sur le fait effectivement de pas une autre personne du CHU interrogée. Enfin, effectivement, c'est peut-être un peu léger. Et le coup des hommes armés, là, la sécurité de l'hôpital qui serait intervenue avec plusieurs hommes armés pour maîtriser les migrants, ça dit rien à personne hein, non plus, a priori. D'accord. Bon, bah vous me rappelez quand vous avez plus d'infos ? Ok. Alors on a aussi un autre article assez récent. Au Breil-Malville, un quartier de Nantes, les CRS sont caillassés tous les jours. Il y a un chauffeur de la TAN qui explique qu'en fait ça ne tire pas que dans ce quartier de Breil-Malville, mais aussi à côté de son dépôt de bus. Début août, juste à côté du dépôt, au sillon, on a entendu 8 à 9 coups de feu à suivre, en plein après-midi. Quel chauffeur de la TAN ? On sait pas. L'info a-t-elle été recoupée ? Mystère ! Pareil que pour le CHU, on va aller voir les syndicats, qui sont des gens qui pointent régulièrement plein de dysfonctionnements. Les problèmes d'insécurité, ils en parlent régulièrement dans leurs rapports. Allez, on y retourne. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est ici qu'il y aurait eu, début août, juste à côté du dépôt au Sillon, 8 ou 9 coups de feu à suivre en plein après-midi. Eh bien non. Non, c'est pas le cas. J'ai vu avec plusieurs collègues qui ont travaillé au mois d'août, jamais ils en ont entendu parler. J'ai vu avec ma hiérarchie, jamais ils en ont entendu parler. On a un rapport qui nous permet interne, qui dès qu'il y a quelque chose d'extraordinaire sur le réseau, eh bien on est informé. Et ce jour-là, ou cette période-là, il n'y a rien eu début août, ni en après-midi, ni en soirée. Et sur aucun des 5 dépôts de la Sémitane, il y a 5 dépôts à la Tanne, sur Nantes, aucun n'a eu d'information de coup de feu ou entendu coup de feu. Voilà. Bonjour, enchanté. Vous n'avez pas entendu pas comme du ça tout. Ah non, j'ai rien entendu, désolé. Bon, si vous voyez des Indiens, vous me tenez au courant. On vous tient au courant. Ouais, ça on marche. On n'a pas vu de cheval là. Alors du coup, là, elle a quitté le dépôt de la Tanne et elle se rend dans un magasin Dorsal Store. Le responsable, c'est là-bas. Qui est juste à côté du Bonjour. Dépôt de la Tanne. Excusez-moi de vous déranger, je peux poser une petite question? Bah, bien sûr, oui. Début août. Oui. Juste à côté du dépôt, on est à côté du dépôt ici au Sillon. Oui, tout à fait, ouais. C'est juste derrière. Ouais. 8 ou 9 coups de feu en plein après-midi. Bryson, ça vous dit quelque chose? Oui, absolument. J'étais là ce jour-là. J'étais là ce jour-là. Mais effectivement, ouais, j'ai pris ça pour des pétards ce jour-là. Mais j'ai vu 9 coups de feu, je suis sorti dehors et j'ai vu 2 noirs qui couraient. Ouais. Ah ouais? Ouais, j'ai vu 2 noirs s'en aller en courant. J'ai un petit peu flippé parce que bon, comme c'était étranger, on essaie de se méfier un petit peu. C'est vrai ou pas ce que vous me dites? Oui, bien sûr, absolument. Ouais. Non, mais attends, stop là. Chut. C'est vrai ou pas? Non. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça vous dit rien? Ouais, c'est ça, on est à 9. Hein. Ouais. 9 coups de feu. C'est ça, c'est pas des coups de cravache, c'est des coups de feu. C'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai entendu. C'était ça, comme ça. Ah ouais? 9 fois. D'affilée. 9 coups de feu, 9. Moi je peux plus là. 9 comme ça. Moi je sais plus là. Qu'est-ce que ça donne? Vous voulez la refaire? Ouais. Vous voulez la refaire? Donc là c'est vraiment pourri là. Vous avez eu des personnes qui vous disent qu'il n'y a pas eu de coup de feu? Non seulement j'ai des personnes, mais j'ai 25 personnes. Oui, bah là ça change la donne. Vous mettez au courant, moi j'en sais rien en fait si on a eu ou pas. Si le journaliste écrit, c'est que c'est le sort pas de la cuisse de Jupiter. Ah, alors en l'occurrence, il le sort de la cuisse d'un chauffeur de la Tanne. Enfin, c'est ce qu'il y a écrit dans l'article. En fait, il y a deux solutions, c'est-à-dire que soit ça a été complètement inventé par votre journaliste, ou soit en fait ça sort effectivement de la cuisse d'un chauffeur de la Tanne qui aurait raconté ça. Mais à ce moment-là, l'info n'a pas été recoupée du tout. Est-ce que ça vous pose pas un problème déontologique? Si on nous dit bah, ce que vous avez dit là, c'est de la merde, c'est faux, et que c'est réellement faux, bah oui, soit je tire l'article, soit je... on rajoute un démenti ou un truc, mais voilà, oui, on n'a pas besoin d'inventer des choses pour pouvoir décrire des réalités. Et est-ce qu'il ne serait pas possible de discuter avec quelqu'un de la rédaction à Nantes au moins? Le directeur de la rédaction qui est en vacances actuellement, je l'ai quand même appelé suite à la discussion qu'on a eue là. Et effectivement, on a admis nous-mêmes qu'il y a des choses qui doivent être perfectionnées et qui vont l'être. Oui, il peut y avoir des légèretés dans ce qui est écrit, ça c'est sûr. Le journalisme, pour moi, c'est rendre compte de la complexité des faits, et pas seulement que d'une partie. Et j'espère que nos lecteurs ne lisent pas que Brise d'Info, parce que ce sera inquiétant. L'idée, c'est d'être ouvert d'esprit, de vous l'accorder. Quelqu'un dont le seul média est Brise d'Info, il a une lecture biaisée de la société, je suis d'accord. Mais vous allez faire quoi, en fait? Voilà. C'est fini pour cette vidéo. Du coup, je sais pas ce que je raconte après. Peut-être que je raconte rien de plus. Quelqu'un a quelque chose à dire. Ouais, c'était juste pour revenir vite fait sur un truc qui m'a interpellé dans cette vidéo. C'est on voit bien comment Braise Info donc utilise le terme bande ethnique pour dire totalement autre chose en fait. Et ça, c'est une technique assez utilisée par les sites d'extrême droite et de fachos, de dire des choses à la limite du politiquement correct, on va dire, qui passe pour des gens qui sont pas forcément d'extrême droite, qui vont lire ça et qui vont pas être réfutés par un langage complètement raciste ou complètement fasciste, quoi. et qui en même temps, si vous êtes un raciste convaincu, bah, vous comprenez en même temps tout à fait ce que ça veut dire. Et donc c'est assez intéressant de repérer ces éléments de langage là et de montrer ces techniques là qui sont employées par les gens d'extrême droite pour mieux les combattre. Voilà. When I enter the building. When I enter the building. Why we keep doing the same shit? Back home where I come from, we keep being born again and again and again and again. That's why they meant it come.